pas nuit sans doute. Ne cherche pas à en vivre. Le tout bien pourri où il s'empêche bien nous y sentir. Ici sur terre, ça n'a qu'un destin. Peu importe où je vais taire, passant de brillant à mat. Tiens.